بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي قال في كتابه العزيز في سورة الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فإن الله خلق الخلق ليعبدوه وأوجدهم من العدم ليوحدوه والصلاة والسلام على القائل كما في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح توكيد بعد توكيد لبيان مقام التوحيد وحده توكيد لا شريك له توكيد لبيان مقام التوحيد يسرنا في هذا اليوم أن نلتقي بأخينا الفاضل الأخ سليمان الجوادلوبي الذي هو معروف لدى الجميع إن شاء الله تعالى وأترك له المجال حتى يقدم نفسه بنفسه فهو تلميذ مقرب لشيخنا العلامة الدكتور أبي أنس محمد ابن هادي المدخلي حفظه الله ورعاه أترك له المجال في هذه المحاضرة بعنوان كتبتها بالعربية من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة فليتفضل مشكورا مأجورا فقط المحاضرة تكون على ضربين تكون تقريبا ساعة ثم نقف نصف ساعة ثم ساعة ثانية donc je traduis très rapidement louange à Allah qui a créé les créatures pour qu'il l'adore il dit dans le Coran dans la sourate 51 je n'ai créé les djinns le sens je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent et les salutations sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit dans le hadith de Ubad ibn Samit radiyallahu anhu qui est dans les deux recueils authentiques le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui témoigne qu'il n'y a de digne d'être adoré qu'Allah jusqu'à la fin du hadith et le hafid ibn Hajar rahimahullah dans Fath al-Bari il dit dans cette phrase du prophète sallallahu alayhi wa sallam celui qui témoigne qu'il n'y a de digne d'être adoré qu'Allah sans lui donner aucun associé il dit c'est une insistance ou c'est un raffermissement sur raffermissement pour montrer la place de l'unicité. Donc on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir notre frère Suleyman Al-Guadloupi que vous connaissez inshallah pour la plupart tous qui est, il va se présenter lui-même inshallah ta'ala en quelques mots qui est un élève rapproché de Cheikh Abi Anas Mohammed Ibn Hadi Al-Madkhali Hafidhahullah ta'ala. Le sujet de la conférence, le titre c'est les fondements qu'est-ce que les fondements des gens de la sunna. Na'am. Barakallahu fikum. بارك الله فيه وفيكم وأترك له المجال جلس continue إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فهذه كلمة نلقيها عليكم وهي مأخوذة من محاضرة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء بعنوان من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة. Donc, ceci est un petit discours ou un petit cours sur qui est tiré donc d'une conférence de Cheikh Saleh Al-Fawzan intitulée Parmi les fondements du dogme des gens de la Sunna et du groupe. فيقول الشيخ حفظه الله تعالى الحمد لله رب العالمين هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Donc il dit louange à Allah Seigneur des mondes, il nous a guidés à l'islam et nous n'aurions pu être guidés si Allah ne nous avait pas guidés. ونسأله سبحانه أن يثبتنا عليه إلى الوفاة كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Et nous demandons à Allah de nous affermir sur cette religion qu'est l'islam jusqu'à notre mort. Comme Allah l'a dit, ô vous qui croyez, craignez Allah d'une crainte véridique et ne mourrez qu'en étant musulmans. كما نسأله أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ربنا لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Et nous de même nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas détourner nos cœurs après qu'il nous ait guidés. Ô notre Seigneur, ne détourne pas nos cœurs après que tu nous aies guidés et accorde-nous de ta part la miséricorde. Certes, c'est toi le grand donateur. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina wa qudwatina wa habibina Muhammadin Rasulillah. Et que la prière et le salut soient sur notre prophète, notre exemple, notre bien-aimé Muhammad, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. الذي بعثه رحمة للعالمين. Celui qu'Allah a envoyé en tant que miséricorde pour tout l'univers. ورضي الله عن أصحابه البررة الأطهار المهاجرين منهم والأنصار. Et qu'Allah agrée et soit satisfait de ses compagnons, eux qui étaient purs parmi les muhajirin, ceux qui ont émigré de la Mecque vers Médine, et les Ansar, ceux qui les ont accueillis à Médine. ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. Et qu'il agrée également tous ceux qui les suivront convenablement tant qu'il y aura des jours et des nuits. وبعد. Ensuite, فهذه كلمة مختصرة في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. Donc ceci est un petit discours pour expliquer le dogme des gens de la Sunna et du groupe. دعا إلى كتابتها ما تعيشه الأمة الإسلامية اليوم من تفرق واختلاف. Ce qui m'a poussé à écrire ceci, Cheikh explique et il dit, ce qui m'a poussé à écrire ceci, c'est ce que la communauté musulmane vit aujourd'hui comme division et comme divergence. يتمثلان في كثرة الفرق المعاصرة والجماعات المختلفة. Cette division et cette divergence qui apparaît à travers la multitude de sectes Donc cette division et cette divergence qui apparaît à travers la multitude de sectes contemporaines et la multitude de groupes qui divergent. كل يدعو الى نحلته. ويزكي جماعته. Chacun appelle à son groupe et chacun fait les éloges de son groupe. حتى أصبح المسلم الجاهل في حيرة من أمره من يتبع وبمن يقتدي. Un point tel que le musulman ignorant est dans une confusion. Le musulman ignorant, à cause de toute cette divergence, est dans la confusion. Yani, qui doit-il suivre? Et de qui doit-il prendre l'exemple? وَأَصْبَحَ الْكَافِرُ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يُسْلِمْ لَا يَدْرِي مَا هُوَ الْإِسْلَامُ الصَّحِيحُ. Et un point tel que le mécréant qui voudrait rentrer dans l'islam ne peut pas savoir quel est l'islam authentique à cause du nombre indénombrable de sectes et de groupes. لا يدري ما هو الإسلام الصحيح. Il ne sait pas quel est l'islam authentique. الإسلام الذي هدى إليه القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والذي مثلته حياة الصحابة الكرام وانتهجه أو وانتهجته القرون المفضلة. L'islam auquel le Coran et la Sunna ont appelé et qui a été concrétisé par la vie des compagnons et de ceux qui ont suivi leur exemple parmi les meilleures époques. لكن يبقى جماعة من المسلمين تقوم على تطبيقه وحفظه والدفاع عنه. Cependant, il reste toujours un groupe parmi les musulmans qui applique l'islam authentique et le préserve et le défend. وهي الجماعة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. C'est le groupe sur lequel le prophète sallam a dit, il y aura toujours un groupe de ma communauté triomphant par la vérité. Ceux qui rusent contre eux ou qui les contredisent ne pourront leur nuire en quoi que ce soit jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah, alors qu'eux seront toujours sur cette vérité. ومن هنا يجب علينا التعرف على هذه الجماعة المباركة. Et de là, il est une obligation pour nous de connaître ce groupe béni الذي يمثل الإسلام الصحيح. Ce groupe béni qui représente l'islam authentique. جعلنا الله منهم. Qu'Allah fasse que nous fassions partie d'eux. ليعرفها من يريد التعرف على الإسلام الصحيح وعلى أهله الحقيقيين. Afin que celui qui veut connaître le véritable islam et les gens qui y sont approchés, afin que cette personne puisse connaître quel est cet islam authentique. ليقتدي بهم. Afin qu'il puisse les suivre. ويسير في ركابهم. Et qu'il emprunte leurs pas. ولينضم إليها من يريد الدخول في الإسلام من الكفار. Et afin que puisse s'y rattacher celui qui veut rentrer dans l'islam parmi les non-musulmans. فأولا نقول. Tout d'abord nous disons. كان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمة واحدة. Les musulmans étaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam une seule et même communauté. كما قال تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. Certes, votre communauté-ci est une communauté une ou unique. Et je suis votre Seigneur, alors adorez-moi. وكم حاول اليهود والمنافقون تفريق المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يستطيعوا. Et combien les juifs et les hypocrites ont essayé de diviser les musulmans à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ils n'ont pas réussi. قال المنافقون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. Les hypocrites ont dit: ne dépensez pas pour ceux qui sont auprès du messager d'Allah jusqu'à ce qu'ils le quittent, jusqu'à ce qu'ils se séparent de lui. فرد الله عليهم بقوله ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. Allah a répliqué à leurs paroles en disant: certes, c'est à Allah qu'appartiennent les trésors des cieux et de la terre. Cependant, les hypocrites ne comprennent pas. حاول اليهود تفريق المسلمين وارتدادهم عن دينهم. Les juifs ont essayé également de diviser les musulmans et de les faire apostasier de leur religion. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. Dans le verset, Allah dit dans le sens, dans la traduction rapprochée du sens du verset: et une partie des gens du livre ont dit, donc dans le verset, dans la traduction rapprochée du sens, Allah dit: et une partie des gens du livre ont dit: croyez à ceux qui étaient descendus sur ceux qui ont cru une partie du jour et mécroyez à la fin de ce même jour, peut-être qu'ils reviendront sur leur pas, yani peut-être qu'ils délaisseront cette religion. لكن الخطة لم تنجح لأن الله كشفها وفضحها. Cependant, leur plan n'a pas réussi car Allah subhanahu wa ta'ala les a dévoilés. طبعا يعني هذا قالوا اذا نحن ادعينا الدخول في الاسلام ثم خرجنا في اخر اليوم الناس سيقولون انهم ما تركوا هذا الدين الا لانه لا خير فيه. يعني le plan qu'ils avaient établi c'était quoi? Ils ont dit: si nous on fait semblant de rentrer dans l'islam et que le même jour, à la fin du jour, on sort de l'islam, les gens diront: ils n'ont pas délaissé cette religion, si ce n'est que quoi, qu'il n'y a pas de bien dans cette religion. Tel était leur plan. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a déjoué leur plan et il les a dévoilés. Wa hawalu marratan thaniya fa akhadhu yudhakkirun al-ansar ما جرى بينهم من عداوة وحروب قبل الإسلام. Puis ils auraient essayé encore d'une autre manière à diviser les musulmans. Ils ont essayé de diviser les musulmans d'une autre manière. Ils ont dit quoi? Ils sont partis voir les Ansar, les habitants de Médine, et ils leur ont rappelé l'animosité et les guerres qu'il y avait entre eux avant l'islam. لأن الأنصار أهل المدينة كان فيهم الأوس والخزرج وكانت بينهم حروب شديدة. Car à Médine, les habitants de Médine, les Ansar, yani, il y avait d'un côté la tribu de Aus et de l'autre côté la tribu de Khazraj. Et il y avait entre ces deux tribus des guerres sanglantes avant l'islam. Donc, les juifs sont partis voir les Ansar et leur ont rappelé leur guerre de l'époque pré-islamique. Afin de quoi ? Afin de réveiller l'ancienne animosité qu'il y avait entre eux. فَكَشَفَ اللَّهُ خِطَّطَهُمْ. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala encore une fois a déjoué leur plan. بِقَوْلِهِ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ. Allah a déjoué leur plan et il a révélé des versets dans lesquels il dit, dans le sens rapproché, ô vous qui croyez, si vous obéissez à une partie des gens du livre, ils vous feront retourner dans la mécréance après que vous ayez eu la foi. Et parmi les versets qui vont venir, que le cheikh va expliquer, le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, واعتصموا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الآية. Et parmi donc les versets qui vont venir, le verset dans lequel Allah SWT a dit, ô vous qui croyez, craignez Allah d'une crainte véridique et ne mourrez qu'en étant musulmans, et accrochez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne vous divisez pas. واذكروا نعمة الله عليكم. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah à votre égard. « إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَى فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. » Et rappelez-vous le bienfait d'Allah à votre égard alors que vous étiez ennemis. Il a réuni entre vos cœurs. « فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. » Et vous êtes devenus par son bienfait des frères. Et donc par ces versets-là, et les versets qui suivent, Allah subhanahu wa ta'ala a déjoué le plan des juifs qui ont essayé de remettre les Ansar dans leurs anciennes guerres et leur ancienne animosité. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار فوعظهم وذكرهم بنعمة الإسلام واجتماعهم به بعد الفرقة فتصافحوا وتعانقوا. Et donc le prophète صلى الله عليه وسلم, après que ces versets aient été révélés, le prophète sallam est parti voir les Ansar et il les a exhortés et il leur a rappelé le bienfait de l'islam et que c'est l'islam qui les a réunis après qu'ils furent divisés. Et à ce moment-là, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a rappelé tout cela, les deux groupes, les Aus et les Khazraj, ce sont quoi ? Ce sont fait des accolades et se sont serrés la main. وَفَشِلَتْ خَطَّةُ الْيَهُودِ. Et de là, le plan des juifs est tombé à l'eau. وَبَقِيَ الْمُسْلِمُونَ أُمَّةً وَاحِدَةً. Et les musulmans sont restés une communauté unie. وَاللَّهُ تَعَالَى أَمَرَهُمْ بِالِاجْتِمَاعِ عَلَى الْحَقِّ وَنَهَاهُمْ عَنِ التَّفَرُّقِ وَالِاخْتِلَافِ. Et Allah leur a ordonné de s'unir sur la vérité et leur a interdit la divergence et la division. فَقَالَ تَعَالَى وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ. Allah dit dans le sens rapproché du sens du verset, et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et qui ont divergé après que quoi ? Après que les preuves leur fussent venues. وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Et Allah leur a dit, et accrochez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne vous divisez pas. وقد شرع لهم سبحانه الاجتماع في أداء العبادات في الصلاة والصيام والحج وطلب العلم. Et Allah a légiféré aux musulmans le rassemblement dans l'accomplissement de certaines adorations, telles que la prière tels que le jeûne, tels que le pèlerinage et l'apprentissage de la science. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على اجتماع المسلمين وينهاهم عن التفرق والاختلاف. Et le prophète صلى الله عليه وسلم encourageait le rassemblement des musulmans et il interdisait la division et la divergence. وكان صلى الله عليه وسلم يخبر خبرا معناه الحث على الاجتماع والنهي عن التفرق. Et le prophète صلى الله عليه وسلم nous a informé de choses qui reviennent à quoi? À l'encouragement à s'unir et l'interdiction de quoi? De se diviser. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيحدث تفرق في هذه الأمة كما حصل للأمة التي قبلها. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé également qu'il y allait avoir de la division dans cette communauté comme il y en a eu dans les communautés qui l'ont précédé. حيث قال صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les juifs se sont divisés en 71 groupes et les chrétiens se sont divisés en 72 groupes et ma communauté se divisera en 73 groupes. Tous iront en enfer sauf un seul. Ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam: quel est ce groupe qui sera sauvé de l'enfer? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre: c'est celui qui est sur le même chemin que moi et mes compagnons à ce jour. وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. Et ce dont le prophète صلى الله عليه وسلم nous avait informé est arrivé comme il nous en a informé. فتفرقت الأمة في أواخر عصر الصحابة. Et donc la communauté s'est divisée déjà vers la fin de l'époque des compagnons. ولكن هذا التفرق لم يؤثر كثيرا في كيان الأمة طيلة عصر القرون المفضلة. Mais cette division qui a commencé donc vers la fin de l'époque des compagnons radiallahu anhum, cette division n'a pas beaucoup influé sur quoi? Sur l'unité de la communauté pendant les trois meilleures générations, les trois premières générations qui étaient les meilleures générations. وذلك لوفرة العلماء. Et ceci car il y avait beaucoup de savants. من المحدثين والمفسرين والفقهاء وبما فيهم علماء التابعين وأتباع التابعين والأئمة الأربعة وتلاميذهم. Donc, du fait qu'il y avait beaucoup de savants, des savants du hadith, des savants de l'exégèse du Coran, l'interprétation du Coran, des savants du fiqh, et parmi les savants qu'il y a eu aussi à l'époque des tabirines, la deuxième génération de musulmans, ceux qui ont suivi les compagnons radiallahu anhum, et les suiveurs des tabirines, la troisième génération, il y avait à l'époque les quatre grands imams connu, Abu Hanifa, wa Malik, wa Shafi'i, wa Ahmed, et leurs élèves. وكذلك لقوة الدولة في تلك القرون. Et également, pourquoi cette division n'a pas beaucoup influé dans ces premiers temps? Donc, d'une, le Cheikh explique car il y avait beaucoup de savants, et également, car l'État islamique était fort à cette époque-là. فكانت الفرقة المخالفة تجد الجزاء الرادع بالحجة والقوة. Et donc, toute secte qui apparaissait et qui contredisait la voix des compagnons radiallahu anhum, elle trouvait une récompense qui la faisait stopper, soit par l'épreuve ou soit par la force. وبعد انقضاء عصر القرون المفضلة اختلط المسلمون بغيرهم من أصحاب الديانات المخالفة. Puis, après donc les meilleures époques, qui sont les trois premières générations de musulmans, après cela, les musulmans se sont mélangés avec les gens des autres religions. وعربت علوم أهل الملل الكافرة. Et les sciences des gens qui étaient dans des sectes ou dans des religions égarées, leurs sciences ont été traduites en arabe. واتخذ ملوك الإسلام بعض البطانات من أهل الكفر والضلال. Et les rois et les dirigeants de l'islam ont commencé à prendre comme rapprochés et comme conseillers des gens qui étaient dans la mécréance ou dans l'égarement. فَصَارَ مِنْهُمُ الْوُزَرَاءُ وَالْمُسْتَشَارُونَ. Et donc, il a commencé à y avoir dans l'état musulman, après donc les trois meilleures générations, il a commencé à y avoir dans l'état musulman des ministres et des conseillers non musulmans ou qui étaient dans des égarements. فَشْتَدَّ الْخِلَافِ. Et c'est là où quoi? Où la divergence s'est aggravée. وَتَعَدَّدَتِ الْفِرَقُ وَالنِّحَلِ. Et les sectes se sont multipliées. وَنَجَمَتْ الْمَذَاهِبُ الْبَاطِلَةِ. Et c'est là où sont apparues des écoles qui contredisent la vérité. وَلَا يَزَلُ ذَلِكَ مُسْتَمِرًا إِلَى وَقْتِنَا هَذَا وَإِلَى مَا شَاءَ اللَّهِ. Et ceci ne cessera, ceci n'a cessé jusqu'à notre époque et ne cessera jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala le décide. Cette division et l'apparition des sectes n'a cessé jusqu'à aujourd'hui et continuera jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala décide de l'arrêter. لكن بحمد الله تعالى وتوفيقه بقيت الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة متمسكة بالإسلام الصحيح. Mais par la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala, le groupe sauvé n'a cessé d'exister également. Les gens de la sunna et du groupe, ils n'ont cessé de rester accrochés à l'islam authentique. يسيرون عليه. Ils suivent cet islam authentique. وَيَدْعُونَ إِلَيْهِ. Et ils y appellent. وَلَا تَزَلْ وَلَنْ تَزَلْ بِحَمْدِ اللَّهِ مِصْدَاقًا لِمَا أَخْبَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ. Donc, ce groupe n'a cessé d'exister, il ne cesse d'exister, il ne cessera d'exister. Comme ceci a été cité dans le hadith précédent, il y aura toujours un groupe de ma communauté triomphant par la vérité. وذلك لبقاء هذا الدين. Il y aura toujours ce groupe sur la vérité. Pourquoi? Pour que cette religion reste toujours. وإقامة الحجة على المعاندين. Afin que quoi? Afin d'établir la preuve contre ceux qui essayent de contredire l'islam authentique. ثم هذه الطائفة تمثل ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم في القول والعمل والاعتقاد. Et ce groupe sauvé, ce groupe béni, il représente ce que quoi ? Ce que les compagnons, radiallahu anhum, ou ce sur quoi étaient les compagnons avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit dans la croyance, dans les paroles ou dans les actes. Ce groupe sauvé suit la voie des compagnons et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. كما قال صلى الله عليه وسلم هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. Comme le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, نعم, sur ce groupe sauvé, ce sont ceux qui sont sur le même chemin que moi et mes compagnons à ce jour. طيب. نذكر بعض أسماء هذه الفرقة الناجية. Nous allons citer certains noms que ce groupe sauvé, par lesquels il est appelé. فيسمى الفرقة الناجية. On l'appelle le groupe sauvé. أي الناجية من النار. C'est-à-dire le groupe qui est sauvé de l'enfer. حيث استثناها النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرق. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité que ce groupe-là était le groupe qui sera sauvé de l'enfer, qui ne rentrera pas en enfer, contrairement aux 72 autres groupes de la communauté musulmane qui se seront égarés. Wa kadhalik yusammaun ahlu sunnati wal jama'a. Également on les appelle les gens de la sunna et du groupe. فَهُمْ يَتَمَيَّزُونَ بِمِيزَتَيْنِ. Donc, ils se différencient des autres groupes par deux choses. الْمِيزَةُ الْأُولَى. La première des choses. تَمَسُّكُهُمْ بِسُنَّةِ الرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حَتَّى صَارُوا أَهْلَهَا. Le fait que quoi qu'ils sont fermement accrochés à la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم, jusqu'à ce qu'ils ont été désignés comme étant les gens de la sunna, contrairement aux autres sectes. فسائر الفرق الأخرى تتمسك بآرائها وأهوائها وأقوال قادتها. Toutes les autres sectes, elles s'accrochent à leurs avis personnels et à leurs passions et aux paroles de leur chef. فهي لا تنتسب الى السنه. Les autres groupes, ils ne sont pas apparentés à la sunna. وانما تنسب الى بدعها. Mais elles sont quoi? Elles sont apparentées à leurs innovations. كالقدريه, comme la secte des Qadarites, qui est une secte qui quoi? Qui dit qu'il n'y a pas de destin. Donc de ce fait, ils ont été appelés Qadariyya. Ou tunsab ila a'immatihim. Ou alors elles sont apparentées à quoi? À leur chef. Kal Jahmiyya, comme la secte des Jahmites. Qui est quoi? Qui est apparentée Alors chef qui était Al-Jahm ibn Safwan. Jahm ibn Safwan, qui est la tête de la secte des Jahmites. Et cette secte a beaucoup d'égarements et de contradictions au Coran et à la Sunna. Et parmi leurs égarements, le fait qu'ils nient les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils disent qu'Allah n'a pas de nom et n'a pas d'attributs. طيب او تنسب الى افعالهم القبيحه كالرافضه والخوارج. Ou alors elles sont apparentées à leurs actes mauvais, tels que la secte des rafida yani rapidite, qui est la branche, une des branches extrêmes du chiisme. Ils ont été appelés Rafida, ثم رافضة لأنهم رفضوا إمامة أبي بكر وعمر. Ils ont été appelés rafidites car ils ont refusé le califat de Abu Bakr et de Omar رضي الله عنهما. Ou la secte des Khawarij, les Kharijites, qui est aujourd'hui représenté par la secte de Tekfir. Les Tekfiri aujourd'hui, ce sont les héritiers des Khawarij. وَمِنْ عَقِيدَتِهِمْ أَنَّ مُرْتَكِبَ الْكَبِيرَ كَافِرٌ. Et parmi leurs croyances, c'est que celui qui commet un grand péché est un mécréant. فَهَذِهِ الْمِيزَةُ الْأُولَى. Donc ceci, et la première des choses par lesquelles les gens de la Sunna se sont différenciés des autres groupes, c'est quoi? C'est leur accrochement, leur attachement ferme à la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et non pas aux paroles des hommes. وَالْمِيزَةُ الثَّانِيَةُ أَنَّهُمْ أَهْلُ الْجَمَاعَةِ لِاجْتِمَاعِهِمْ عَلَى الْحَقِّ وَعَدَمِ تَفَرُّقِهِمْ. Donc, leur deuxième caractéristique, c'est que quoi? C'est qu'ils sont un groupe uni sur la vérité. Ils ne sont pas divisés. Ils sont tous unis, non pas sur des paroles d'êtres humains, mais sur la vérité, sur le Coran et la Sunna authentique. Également parmi les noms de ce groupe sauvé, At-Ta'ifatul Mansoura, le groupe victorieux. وذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين وفي الرواية على الحق منصورة. يعني le groupe victorieux, le groupe triomphant. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith que nous avons cité, il y aura toujours un groupe de ma communauté triomphant par la vérité. Et dans une version, secouru par la vérité. وَذَلِكَ لِأَنَّهُمْ نَصَرُوا دِينَ اللَّهِ فَنَصَرَهُمُ اللَّهِ. Et ceci pourquoi? Parce qu'ils ont porté secours à la religion, alors Allah subhanahu wa ta'ala leur a porté secours. كما قال سبحانه إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Comme Allah nous a dit dans le Coran, dans la traduction rapprochée du sens du verset, il dit: si vous secourez Allah, c'est-à-dire la religion d'Allah, Allah vous secourra et il affermira vos pas. Et il affermira vos pas. ولهذا قال النبي صلى الله عليه عن هؤلاء لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. Et c'est pour cela que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit de ce groupe, que quoi? Que ceux qui rusent contre eux, ou ceux qui les trahissent et ceux qui les contredisent, c'est la traduction la plus exacte, ceux qui les trahissent ou qui les contredisent ne pourront leur nuire en quoi que ce soit. لماذا؟ Pourquoi؟ لأنها منصورة. لأنهم منصورون. Pourquoi؟ Parce qu'ils sont secourus par Allah سبحانه وتعالى. وكذلك من أسماء هذه الفرقة، et également parmi les noms de ce groupe sauvé, أهل الحديث، les gens du hadith، لتمسكهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، car ils s'accrochent au hadith du prophète صلى الله عليه وسلم. وكذلك يسمون أهل الأثر. Également on les appelle les gens des traces, les gens du أثر. يعني لأنهم يتبعون أثر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. Car ils suivent les traces du prophète صلى الله عليه وسلم et de ses compagnons. Donc c'est pour cela qu'on les appelle les gens des traces. أهل الأثر. وكذلك يسمون السلفيون Et également, on les appelle salafi. Bimada, et annahum yattabi'una salaf, car ils suivent les pieux prédécesseurs. Wa salaf, humus sahabatu wa tabi'un wa atba'u tabi'in. Et les salaf, les pieux prédécesseurs, ce sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui les ont suivis, qu'on appelle tabi'in, et ceux qui ont suivi cette deuxième génération qu'on appelle atba'u tabi'in. وهذه القرون الثلاثة هي التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم الذي رواه البخاري ومسلم. Et ces trois générations, ce sont les trois générations desquelles le prophète صلى الله عليه وسلم a fait les éloges, comme dans le hadith rapporté par Bukhari et Muslim. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Les meilleurs gens ou les meilleures générations, ce sont les meilleurs gens, ce sont ma génération, puis celle qui la suit, puis celle qui la suit. بعد هذه المقدمة, après cette brève introduction, ندخل في صلب الموضوع. Nous entrons, après cette brève introduction, nous entrons dans le vif du sujet. وهو أصول أهل السنة والجماعة, qui est les bases ou les fondements des gens de la Sunna et du groupe. إن أهل السنة والجماعة يسيرون على أصول ثابتة وواضحة في الاعتقاد وواضحة في الاعتقاد والعمل والسلوك. يرحمك الله. Les gens de la sunna et du groupe marchent sur des fondements qui sont fermes et qui sont clairs dans la croyance, dans les actes et dans le comportement. وهذه الأصول العظيمة مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. Donc, ces fondements essentiels, ils sont tirés du livre d'Allah, yani les fondements essentiels sur lesquels les gens de la sunna marchent, ils sont tirés du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de ceux que les salafs, yani les pieux prédécesseurs, faisaient. Fal aslul awwal, le premier des fondements, al iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawm al akhir wal qadar khayrihi wa sharrihi. Le premier de ses fondements, c'est la foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, la foi au jour dernier et au destin bon et mauvais. Ceci, c'est le premier des fondements des gens de la Sunna. Ils croient en Allah, en ses anges, en les livres qu'Allah a révélés et les messagers qu'il a envoyés, et ils croient au jour dernier et au destin bon et mauvais. والإيمان بالله, la foi en Allah, يعني الإقرار بأنواع التوحيد الثلاثة, c'est le fait de quoi? De reconnaître les trois types de tawhid. واعتقادها والعمل بها, et le fait d'y croire et d'agir en fonction de cela. C'est-à-dire d'agir en fonction de ces trois types de tawhid. وهي توحيد الربوبية, qui sont l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa seigneurie. وتوحيد الألوهية, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa divinité. وتوحيد الأسماء والصفات, et l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et ses attributs. فتوحيد الربوبية l'unicité d'Allah سبحانه وتعالى dans la seigneurie معناه توحيد الله بأفعاله l'unicité d'Allah dans la seigneurie c'est quoi? C'est son unicité dans les actes qui lui sont propres من الخلق والرزق والإحياء والإماتة وأنه رب كل شيء ومليكه ومدبر الكون donc c'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les actes qui lui sont propres tels que la création le fait de d'accorder la subsistance de donner la vie, de donner la mort de reconnaître qu'il est le seul seigneur le seul possesseur de tout cet univers le seul organisateur de tout cet univers Allah subhanahu wa ta'ala ça c'est quoi Tawhid al-Rububiyya l'unicité d'Allah dans la seigneurie c'est que tu reconnaisses qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul créateur et le seul qui possède tout ce qui est dans cet univers dans les cieux et sur la terre et qu'il est le seul à diriger et à organiser cet univers وتوحيد الألوهية معناه إفراد الله بأفعال العباد et l'unicité d'Allah dans la divinité c'est d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala à travers tes actes ويسمى كذلك توحيد العبادة on l'appelle également l'unicité d'Allah dans l'adoration c'est que tu unifies Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration tu adores Allah seul et tu n'adores rien d'autre avec lui فتصرف جميع العبادة لله وحده لا شريك له. Et donc, tu attribues toutes les adorations, tu ne les attribues qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. من دعاء tel que l'invocation, والخوف et la peur, والرجاء et l'espérance, والمحبة et l'amour, والذبح et l'immolation, يعني le sacrifice, والنذر et le vœu. والاستعانة la demande d'aide والاستعاذة la demande de secours ou la recherche de refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala seul والاستغاثة la demande de secours والصلاة également la prière والصوم le jeûne والحج le pèlerinage إلى غير ذلك et ainsi de suite كل العبادات تصرفها لله وحده لا شريك له عبادات القلب وعبادات البدن toutes les adorations tu ne les attribues qu'à Allah seul sans lui attribuer d'associés que ce soit des adorations du cœur ou des adorations du corps وتوحيد الأسماء والصفات et l'unicité d'Allah c'est bon pour le son et l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les noms et les attributs معناه إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات donc l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les noms et les attributs c'est que tu reconnais à Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il s'est affirmé à lui-même et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé sur Allah comme nom et comme attribut yani tous les noms et les attributs que tu trouves dans le Coran ou dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam tu les attribues à Allah subhanahu wa ta'ala wa tunazzihu Allah amma nazzaha anhu nafsahu aw nazzahahu anhu rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam et tu purifies Allah subhanahu wa ta'ala également de tous ceux dont il s'est purifié dans son livre ou à travers par l'intermédiaire de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa kullu dhalika min ghayri tahrif wa la ta'til wa min ghayri takyif wa la tamthil et tout cela c'est-à-dire Yani le fait que tu reconnais Allah subhanahu wa ta'ala, ses noms et ses attributs, tu dois le faire sans modifier le sens de ses noms et de ses attributs, sans les réfuter, yani les rejeter, sans faire ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à ses créatures, et sans donner une explication du comment. وهذا على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Ceci conformément au verset dans lequel Allah nous dit, dans le sens rapproché, rien ne lui ressemble et c'est lui l'audient, le voyant. فالله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه في هذه الآية صفة السمع والبصر. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, il a affirmé qu'il, quoi qu'il avait comme attribut, l'ouïe et la vue, yani qu'il entend et qu'il voit. وَنَزَّهَ نَفْسَهُ عَنْ مُشَابَهَةِ الْمَخْلُوقِينَ. Et il s'est purifié de quoi? De la ressemblance à ses créatures. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ, c'est-à-dire rien ne lui ressemble. Donc là-dedans, il y a quoi? Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne ressemble pas à ses créatures. Wa huwa samiul basir, et c'est lui l'audient, le voyant. Hada ithbat. Naam. Yani lil asma'i was sifat. Ça c'est quoi? Naam, yani l'audient, le voyant, c'est une confirmation ou une affirmation plutôt, une affirmation de ces deux noms et ces deux attributs qui sont l'ouïe et la vue. Fa taqul Allahu sami'. Donc tu dis Allah entend. Et il est l'audient. Lakin kayfa yasma? Mais comment il entend? Allahu a'lam. Il n'y a qu'Allah qui le sait. Tu ne donnes pas une explication, tu dis il entend parce qu'il a des oreilles comme nos oreilles. Taqul Allahu sami' wa yasma'. Lakin laysa kamithlihi shay. Tu dis Allah est audient, il entend. Naam. Mais le comment, on ne sait pas. Tu ne dis pas qu'il entend comme les créatures entendent. وكذلك البصر, également la vue. Allah subhanahu wa ta'ala yara kull shay. Naam. Allah voit tout ce qui se passe. Lakin laysa basaruhu ka basar al makhluqin. Mais sa vue n'est pas comme quoi? Comme la vue des créatures. Et vous avez compris la chose? Yani, on affirme les noms et les attributs sans pour autant faire ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à ses créatures dans ses noms et dans ses attributs. فَهَذَا مَعْنَا تَوْحِيدَ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ. Voilà donc la signification de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et ses attributs. ثانياً الإيمان بالملائكة. Deuxièmement, la foi aux anges. La foi aux anges. ومعناه التصديق بوجودهم وأنهم خلق من خلق الله خلقهم من نور. Donc, la foi aux anges, c'est de croire à leur existence et qu'ils sont des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a créé de lumière. خلقهم لعبادته وتنفيذ أوامره. Il les a créés afin qu'ils l'adorent et afin qu'ils obtempèrent à ses ordres, qu'ils appliquent ses ordres. كما قال تعالى بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. Mais ce sont des serviteurs honorables qui ne le devancent pas par la parole, yani qui ne devancent pas Allah subhanahu wa ta'ala par la parole et qui agissent selon son ordre. Thalithan al-iman bil kutub. Troisièmement, la foi aux livres révélés. Yani at-tasdiq biha wa bima ja'a fiha C'est le fait donc de croire au livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé et de croire à ceux qu'ils contiennent comme guidés et comme lumière. وَأَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَهَا عَلَى رُسُلِهِ لِهِدَايَةِ الْبَشَرِ. Et que tu crois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ses livres et les a fait descendre sur ses messagers, sur ses prophètes, afin de quoi? Afin de guider l'humanité. وَأَعْظَمُهَا الْكُتُبُ الثَّلَاثَ. Et les trois plus grands livres qu'Allah ait révélés, ce sont التورات والإنجيل والقرآن. La Torah, l'Évangile et le Coran. وأعظم الثلاثة القرآن الكريم. Et le meilleur de tous ces livres-là, c'est le Coran. وهو المعجزة العظمى. Et c'est le plus grand miracle qui a été donné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. قال تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Allah dit dans la traduction rapprochée du sens du verset, dit: si les djinns et les hommes s'unissaient pour ramener quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne pourraient pas le faire même s'ils s'entraident les uns les autres. Donc c'est le plus grand des miracles qui a été donné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wal kutubu allati qablahu qad hurrifat harrafaha ashabuha. Et les livres qui ont été révélés avant le Coran ont été modifiés par les communautés qui nous ont précédés. Les juifs ont modifié la Torah et les chrétiens ont modifié l'évangile. ولذلك نحن نؤمن بأن أصل هذه الكتب منزل من عند الله أما الكتب الموجودة الآن ففيها الحق والباطل. Et c'est pour cela que nous, donc, nous croyons que le livre originel, qui ont été les livres originels qui ont été descendus sur les prophètes précédents, ce sont eux qui sont quoi? Qui sont la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant aux livres qui sont présents actuellement entre les mains des juifs et des chrétiens, eh bien, il y a dedans du vrai et du faux. Et annahum zadu fihi wa naqasu, car ils ont rajouté des choses et ils ont enlevé des choses dans les livres qui ont été révélés à leurs prophètes. Walidhalika la yu'tamad 'alayha, et c'est pour cela qu'on ne peut pas s'appuyer sur ces livres-là. Wa innama yu'tamadu 'ala al-Qur'an alladhi anzalahu Allah 'azza wa jalla وَتَكَفَّلَ بِحِفْظِهِ بِنَفْسِهِ سُبْحَانَهُ. Mais nous devons nous référer au Coran qui a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même s'est porté garant de le préserver contre toute altération ou modification. وَلِذَلِكَ لَا يُمْكِنُ لِأَحَدٍ أَنْ يَزِيدَ فِي الْقُرْآنَ أَوْ يَنْقُصَ مِنْهُ. Et c'est pour cela qu'il est impossible qu'une personne vienne pour rajouter quelque chose dans le Coran ou pour enlever quelque chose du Coran. Illa yukshaf mubashara. Ou sinon, auquel cas, il sera immédiatement décelé. Wa yu'minu ahlu sunnah anna al-Quran kalamullah ghayru makhluq. Et les gens de la sunnah, ils ont comme croyance que le Coran est la parole d'Allah et qu'il n'a pas été créé. Comme a dit Subhana, wa in ahadun min al-mushrikeen istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Et si un parmi les polythéistes te demande asile, alors accorde-lui afin qu'il puisse entendre la parole d'Allah. Afin qu'il puisse entendre la parole d'Allah. Fallahu Subhana في هذه الآية قال إن القرآن كلام الله كلامه سبحانه. Donc dans ce verset Allah nous dit clairement que le Coran c'est sa parole. تكلم به, il l'a prononcé. لفظه ومعانيه. Que ce soit les termes du Coran ou l'essence des termes du Coran, tout cela provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثم القرآن كلام الله ليس كما قال الذين على الإلحاد قد مرضوا جاد وجهم وبشر ثم شيعتهم ألا فبعدا لهم بعدا وقد بعدوا تكلم الله رب العالمين به قولا وأنزله وحيا به الرشد. Pour ceux qui n'ont pas l'arabe, ils m'excuseront. Car pour traduire un poème, c'est plus compliqué. Mais c'est le résumé de ce que je viens de dire sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran. Comme quoi que le Coran, c'est la parole d'Allah et qu'il n'a pas été créé. Tayyib. Rabi'an al-iman bil-rusul. Quatrièmement, la foi aux messagers. Yani, التصديق بهم جميعا. من سمى الله منهم ومن لم يسمي. Donc la foi aux messagers, c'est de croire à tous les messagers qu'Allah a envoyés. Ceux dont Allah nous a cité les noms dans le Coran, ainsi que ceux dont Allah ne nous a pas cité les noms. وَلَعَلَّ أَحَدُكُمْ يَسْأَلْ طيب إذا كان الله سبحانه وتعالى لم يسميه في القرآن كيف نعرف أنه رسول؟ Il se peut que quelqu'un parmi vous demande. Très bien, si Allah n'a pas cité le nom d'un de ses prophètes dans le Coran, comment on peut savoir que c'est un prophète? نعم. فلي في هذا يقول أهل العلم من سمى الله في القرآن من سمى الله اسمه في القرآن نؤمن به يعني تعيينا. Celui dont Allah, les savants disent pour répondre à cela, celui dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a cité le nom dans le Coran ou yani à travers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam que son nom a été cité dans un hadith authentique, ce prophète là nous y croyons, nous croyons en lui personnellement. Naam. Daoud, Suleyman, Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa, Adam, etc. Naam. Nous croyons que ce sont vraiment eux, ce sont réellement des prophètes, et on a la certitude que ce sont des prophètes. وَمَنْ لَمْ يُسَمِّ اللَّهُ Et celui dont Allah n'a pas cité le nom, نَقُولْ اللَّهُ أَنْزَلَ أو اللَّهُ بَعَثَ رُسُلًا فِي كُلِّ أُمَّةِ أَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ Et ceux dont Allah n'a pas cité les noms, nous disons naam, que Allah a envoyé des messagers dans chaque communauté pour leur dire d'adorer Allah et de s'écarter des fausses divinités. فَنُؤْمِنُ بِهِمْ إِجْمَالًا Donc nous croyons en eux, ceux qui ne sont pas cités dans le Coran, nous croyons en eux d'une façon générale, sans dire qu'un tel réellement est un prophète. Car, yani, il y a certaines yani, rumeurs que certaines, yani, certaines religions aujourd'hui, apparemment, leur message originel était le message d'un prophète. Donc, yani, c'est possible que quoi, que réellement ils ont eu un prophète et qu'après eux ils ont modifié le message de ce prophète tout comme les juifs et les chrétiens ont modifié le message de leur prophète. Mais tant que son nom n'est pas cité dans le Coran ou dans la Sunna, nous ne pouvons pas dire que réellement c'était un prophète. Donc nous croyons à tous les messagers qu'Allah a envoyés. Ceux dont Allah a cité les noms, nous y croyons en eux personnellement, et ceux dont il n'a pas cité les noms, nous disons qu'Allah a envoyé des messagers dans chaque communauté. وآخرهم وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Et le dernier de ces messagers et de ces prophètes, c'était notre prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. ثم من آمن ببعضهم وكفر ببعضهم فهو كافر بالله عز وجل. Et celui qui va croire à certains prophètes, mais qui ne va pas croire à d'autres prophètes, Eh bien, cette personne-là, c'est un mécréant. Cette personne-là, yani, c'est un mécréant. Falaudja ala muslim. Donc, si un musulman vient à nous, wa yaqulu lana ana uminu bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, wa la uminu bi Isa, ou la uminu bi Musa, ou la uminu bi Ibrahim, ou Daoud, ou Suleiman, ou. يقول انت لست مسلما حتى تؤمن بالجميع. Donc si un musulman vient nous voir et nous dit moi je crois en Mohammed mais je crois pas en Moussa, ou bien je crois pas en Isa, ou bien je crois pas en Ibrahim, ou je ne crois pas en Daoud, ou je ne crois pas en Suleiman, etc., etc., il suffit qu'il m'écroie en un seul prophète, n'am, pour que quoi, pour que sa foi soit annulée. Cette personne là nous lui disons: tu n'es pas musulman jusqu'à ce que tu crois à tous les prophètes qu'Allah a envoyés. وهذا يدلنا على تسامح الإسلام. Et ça nous montre quoi? Ça nous montre la tolérance de l'islam. خلافا لمن يدعيه. Contrairement à ceux qui prétendent être tolérants. لكن لا يؤمنون بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Contrairement à ceux qui prétendent être tolérants alors qu'ils ne croient pas à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. لو جاءنا يهودي نقول له نحن نؤمن بموسى ومحمد وكل الانبياء فلماذا انت لا تؤمن بمحمد. Si un juif vient nous voir, nous lui disons nous on croit en Moussa et on croit en Mohammed et à tous les autres prophètes. Donc pourquoi toi tu ne veux pas croire à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. ولو جاءنا نصراني نقول له نحن نؤمن بعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلماذا لا تؤمن بنبينا. Pareillement, si un chrétien vient nous voir et nous lui disons nous on croit en Isa, on croit en Jésus, n'am, et on croit en notre prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, donc pourquoi toi tu ne veux pas croire à notre prophète. وهذا يدل على ان الاسلام هو دين الحق. Et ça, tout cela, ça montre que l'islam est la religion de vérité. Al-iman bi jami' al-kutub al-munazzala min 'indillah 'azza wa jall. Wal iman bi jami' ar-rusul alladhi ba'athahum Allah 'azza wa jall. Yani le fait que l'islam c'est une religion, n'am, qui appelle et qui met comme obligation pour que la foi soit complète et soit concrétisée et soit correcte, le fait de croire à tous les livres qu'Allah a révélés sous leur forme originelle et de croire à tous les prophètes qu'Allah a envoyés aux communautés. وَهَذَا يعني غير المسلمين لا يجدون له جوابا. Et à cela, les non-musulmans ne peuvent pas répondre. Quand on leur dit que quoi, que l'islam c'est la vérité, pourquoi? Parce que nous croyons en Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous croyons à tous les prophètes qu'Allah a envoyés. Donc qu'est-ce que vous nous reprochez? Ils ne peuvent rien dire. Tayyib. Khamisan al-iman bil yawm al-akhir. Cinquièmement, la foi au jour dernier. Wa huwa at-tasdiq bi kulli ma yakun ba'da al-maut. Mimma akhbara Allah bihi wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. C'est le fait de croire à ce qu'il y aura après la mort, à tout ce qu'il y aura après la mort, selon ce qu'Allah et son messager nous ont informé. كَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِهِ وَنَعِيمِهِ. Comme l'épreuve de la tombe et le châtiment de la tombe et le bienfait de la tombe. وَالْبَعْثِ مِنَ الْقُبُورِ. Et le fait de ressusciter, la résurrection, والحشر et le rassemblement, والحساب et le jugement, ووزن الأعمال la pesée des actes, وإعطاء الصحف باليمين أو الشمال et le fait que quoi que les chaque serviteur il lui sera remis son registre d'action dans sa main droite ou dans sa main gauche, والصراط et le sirat, qui est le pont au-dessus de l'enfer, وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ Et le paradis et l'enfer. فَالْإِيمَانُ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْإِيمَانُ بِجَمِعِ ذَلِكِ Donc la foi au jour dernier, c'est la foi en tout cela. Tout ce qui se passe après la mort jusqu'à l'entrée au paradis ou en enfer. وَالْإِسْتِعْدَادُ لِذَلِكَ بِالْعَمَلِ الصَّالِحَةِ Et également la foi au jour dernier, elle implique le fait de se préparer à ce jour dernier par les bonnes œuvres. وَتَرْكِ الْعَمَلِ السَّيِّئَةِ وَالْتَوْبَةِ مِنْهَا En accomplissant les bonnes œuvres et en délaissant les mauvaises œuvres et en se repentant des mauvaises œuvres. لا يكفي مجرد الإيمان باليوم الآخر على اللسان دون الاستعداد. Il ne suffit pas simplement de quoi? De reconnaître qu'il y aura un jour dernier avec sa langue, alors que nous ne faisons pas les actes. Pourquoi? Qui nous permettront de faire partie des bienheureux dans l'au-delà. لا بد من العمل. Il faut agir. لا يدري أحد منا Mata yakunu ajalu, car personne d'entre nous ne sait quand sera son terme. Al-insan la yusawwif, et la personne ne doit pas remettre à plus tard ce qu'il peut faire aujourd'hui. Fa innaka idha mitta inqata'a 'amaluk, lorsque tu mourras, tes actes seront quoi? Seront stoppés. Tu ne pourras plus faire de bonnes actions pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le paradis, dans les degrés du paradis. Tu ne pourras plus te repentir des péchés que tu avais commis. Fafakir al-an qabla an Yati Malakul Maut. Donc, réfléchis à cela maintenant, avant que ne te vienne l'ange de la mort. Fayakhudhu ruhak, et qu'il prenne ton âme. Hal anta musta'id li liqa'i Allah azza wa jal. Est-ce que tu es prêt à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala? Si l'ange de la mort vient te prendre là tout de suite, alors que tu es assis. Est-ce que tu penses être prêt à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que tu penses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a une bonne pensée de toi? Donc, prépare-toi maintenant avant qu'il ne soit trop tard. فَالْيَوْمْ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ Car aujourd'hui, c'est le temps où tu peux agir et où il n'y a pas de jugement. Mais demain, ce sera le jour du jugement et il n'y aura pas d'action. Tu ne pourras pas faire d'action. Sadisan, al-Iman bil Qadar. Sixièmement, la foi au destin. Yani al-Iman bi anna Allah alima kulla shay. Ma kan wa ma yakun. وقدر ذلك في اللوح المحفوظ. C'est le fait de croire. La foi au destin, c'est le fait de croire qu'Allah a su tout ce qui existe, ce qui a été et ce qui sera. Et il a inscrit cela dans la tablette gardée. وأن كل ما يجري من خير وشر وكفر وإيمان وطاعه ومعصيه فقد شاءه الله وقدره وخلقه et que tout ce qui se passe sur terre ou dans le ciel, comme bien et comme mal, comme foi ou comme mécréance, comme acte d'obéissance ou comme acte de désobéissance, toutes ces choses-là, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'elles soient et il les a créées. Tout cela rentre dans la foi au destin. Ce sont quatre choses. Il y a 4 choses. الإيمان بعلم الله la foi en la science d'Allah subhanahu wa ta'ala de tout ce qui s'est passé et de tout ce qui va se passer jusqu'au jour de la résurrection. ثانياً الإيمان بكتابة الله للأشياء. Deuxièmement, c'est de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a inscrit tout ce qui va se passer dans la tablette gardée. ثالثاً الإيمان بمشيئة الله للأشياء. Troisièmement, de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu tout ce qui se passe sur terre et dans le ciel. ورابعاً الإيمان بخلق الله لهذه الأشياء. Quatrièmement, le fait de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé toutes ces choses qui se passent sur terre et dans le ciel. وَالْإِيمَانُ بِالْقَدَرِ يَكْسِبُ الْعَبْدَ صَبْرًا عَلَى الْمَصَائِبِ. Et la foi au destin, parmi les bénéfices et parmi les fruits de cette foi, de cette croyance, qu'Allah a prédestiné les choses, c'est que quoi ? Ça t'aide à quoi ? À patienter et à endurer les épreuves qui te touchent. لأنك تعلم أنها من عند الله عز وجل. Car tu sais qu'elles sont, qu'elles viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. وأن الله عز وجل لا يريد بعبده شرا والشر ليس إليك كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لربه. Car tu sais qu'elles proviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah ne veut pas du mal pour ses créatures. Et que tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait est un bien. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Et le mal ne t'est pas attribué » en parlant à Allah subhanahu wa ta'ala. Le mal ne t'est pas attribué. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas le mal pour ses créatures. Même si en apparence, lorsqu'il t'arrive quelque chose, en apparence tu as l'impression que c'est un mal pour toi, que ce soit une maladie, que ce soit de la pauvreté, que ce soit la famine, que ce soit la mort d'un proche, etc., etc., le fait que tu n'as pas de travail, toutes ces choses qui en apparence sont un mal pour toi, en réalité derrière cela il y a un bien. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Ajaban li amri al-mu'min, inna amrahu kullahu khayr, in asabathu sarra, shakar, fa kana khayran lah. » وَإِنْ أَصَابَتْهُ دَرَّا صَبَرْ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ. Le prophète s.a.w. disait, je m'étonne de la situation du croyant. Je m'étonne de la situation du croyant. Tout ce qui lui arrive est un bien. Le prophète s.a.w. nous dit, tout ce qui arrive au croyant est un bien. Il continue l'explication, il dit, s'il lui arrive un bien, il est reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, et alors c'est compté comme un bien pour lui. Et s'il lui arrive une épreuve, il patiente, il endure, et c'est compté comme un bien pour lui. Et ceci n'est à personne d'autre à part le croyant. Il n'y a que le croyant qui est reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits et qui est endurant dans les épreuves. Laisse à tout le musulman, ce n'est pas tout musulman qui a ce degré de foi. Naam. Idhan, al-iman bil qadar, donc la foi au destin, ça t'aide à patienter et à endurer les épreuves. Wa kadhalik, al-iman bil qadar yaj'al al-'abd yabta'id 'an adh-dhunub. Également, la foi au destin, elle fait que le musulman, il va s'éloigner des péchés. Limada, لأن الله عز وجل جعل لك إرادة. Car Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné une volonté. وإرادتك تابعة لمشيئة الله عز وجل. Et ta volonté, elle suit la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. Et vous ne pouvez vouloir, si, non, sauf si Allah le veut. Vous ne pouvez vouloir, sauf si Allah le veut. Donc, toi tu as une volonté et Allah il a une volonté. Et ta volonté, elle ne peut pas sortir de quoi? De la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque tu sais cela, alors tu vas t'efforcer de quoi? De faire les bonnes actions, non, pour obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. هذا فيما يتعلق بالأصل الأول. Donc ceci c'est en ce qui concerne, نعم, يعني en ce qui concerne le premier fondement. Et يعني après une petite pause, inshallah, nous continuerons, نعم, la suite des fondements des gens de la sunna. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيك. وصلت إن شاء الله 15 petites minutes. Et après, on reprendra. Je vous demanderai juste d'aérer la salle pendant que le frère va boire un petit peu. Juste une petite remarque. J'ai vu beaucoup de frères, ils sont rentrés à la mosquée pendant le cours. Ils n'ont pas fait tahiyat al masjid. Salutation de la mosquée. Tu peux leur dire quelque chose? Faddal, faddal. Tayyib. Rentrer dans la mosquée. Il y a un hadith, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, hadith Abi Qatada al-Ansari fi al-Sahihain. قال عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. Quand l'un d'entre vous rentre à la mosquée, qu'il ne s'assoit pas jusqu'à ce qu'il prie deux rak'at. Certains savants disent que c'est obligatoire. منهم ابن حزم رحمه الله علي أبو محمد علي ابن حزم رحمه الله dit صلاة تحية المسجد elle est obligatoire بسبب, par une cause. La cause c'est quoi? C'est rentrer dans la mosquée. Entre l'Asr et le Maghreb, il y a un khilaf بين العلماء, il y a une divergence. الصح الأقوال والله أعلم la parole la plus sereine, c'est ce qu'a cité l'imam Ahmed dans son madhhab, l'imam Shafi'i dans son madhhab, et c'est une riwaya, une version de l'imam Ahmed qui a été choisie par Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, Cheikh Salah al-Fawzan dans Sharh Bulugh al-Maram, Cheikh ibn Uthaymeen dans Majmou' al-Fatawa, Cheikh ibn Baz dans Majmou' al-Fatawa, et jama'a min al-ulama qui cite que quand on rentre dans la mosquée pendant un temps où il y a une restriction de prière, à savoir notamment entre l'Asr et le Maghreb, il est légitime de faire les deux rak'at. Il est légitime de faire les deux rak'at. Donc ici c'est une mosquée. Pour les frères qui se sont assis, mais ceux qui rentrent, qui le savent. Il y en a, ils ne savaient même pas que c'était une mosquée. D'autres, ils ont vu et ils se sont assis. Allahu a'lam wa a'lam. On s'arrête, inshallah, 15 petites minutes. Si vous pouvez aérer la salle et on reprendra, inshallah. Barakallahu fil jami'. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursaleen. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, نواصل المسيرة إن شاء الله تعالى. الأخ تم الأصل الأول, il a terminé donc la premier fondement, et donc je le laisse continuer إن شاء الله jusqu'au Maghreb. Sans doute après le Maghreb on continuera pour celles qui veulent rester, pour ceux qui veulent rester. Et si on a le temps aussi, s'il y a des questions sur le sujet, s'il y a des questions seulement sur le sujet, à voix orale on distribuera la on donnera la main à chaque personne si elle veut poser une question sur le sujet, inchallah. Barakallahu fik, tfadda. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, amma ba'd. Fal aslu thani, donc le deuxième fondement. Nous avons vu que le premier fondement était la foi en les six piliers de la foi, qui sont la foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin bon et mauvais. Le deuxième des fondements, huwa anna al-imana qawlun wa amal wa i'tiqadun yazidu bit-ta'ati wa yanqusu bil-ma'siyah. Donc le deuxième fondement, parmi les fondements des gens de la sunna, c'est que la foi, elle est constituée de paroles, d'actes et de croyances. Elle augmente, la foi augmente avec l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, et elle diminue avec la désobéissance à Allah. فَلَيْسَ الْإِيمَانُ قَوْلًا وَعَمَلًا دون اعتقاد. Donc la foi, ce n'est pas juste une parole et des actes sans avoir la croyance dans le cœur. يَنَّ هَذَا إِمَانُ الْمُنَافِقِينَ. Car ça, c'est quoi? C'est la foi des hypocrites. Ils disent avec leur langue أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. Et ils font la salat, etc. Et parmi les actes, لكن dans leur cœur, ils ne croient pas en réalité à Allah et à son prophète. Donc, nous disions que la foi chez les gens de la Sunna, elle est constituée de ces trois choses. La croyance dans le cœur, des paroles avec la langue et des actes avec les membres. Et donc, ce n'est pas comme la foi des hypocrites qui est une foi dans la parole et dans les actes, sans quoi? Sans croyance. وَكَذَلِكْ لَيْسَ مُجَرَّدْهُ وَلَيْسَ الْإِيمَانِ كَذَلِكْ مُجَرَّدْ الْمَعْرِفَةُ فِي الْقَلْبِ بِدُونِ قَوْلٍ وَعَمَلٍ. Et également, la foi, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas simplement le fait de reconnaître ou de savoir que l'islam, c'est la vérité, sans le prononcer avec la langue et sans faire les actes qui suivent cela. لِأَنَّ هَذَا إِيمَانَ الْكَافِرِينَ الْجَاهِدِينَ. Car ça, c'est la foi de quoi? De ceux qui sont dans ce qu'on appelle al-juhud. Al-juhud, c'est le fait de savoir qu'une chose est la vérité, mais de ne pas la suivre. كَمَا قَالَ تَعَالَى مَثَلًا وَإِنَّ فَرِيقًا الآية المهم. Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs versets du Coran, il parle des juifs et des chrétiens et il dit que quoi? Qu'ils savent très bien que quoi? Que le message avec lequel Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé est la vérité. Mais ils ne veulent pas rentrer dans la religion. Donc, également Abu Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a défendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam tout au long de sa vie. Abu Talib a défendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce qu'il meure. Mais pour autant, il n'est pas rentré dans l'islam. Et il disait à Abu Talib, ma ma'na, une parole qui veut dire que, il disait que j'ai su que la religion de Mohammed était la meilleure des religions. Ça, c'est Abu Talib qui le dit. Il a dit, j'ai su que la religion de Mohammed était la meilleure des religions. Et dans plusieurs poèmes, il dit quoi? Il dit qu'ils veulent qu'on leur livre Mohammed, mais nous ne le livrons jamais. Jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce qu'on nous extermine. On se mettra entre nous et eux, pour pas qu'ils atteignent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré cela, il n'est pas rentré dans l'islam. Lorsqu'Abu Talib était à l'agonie, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti le voir pour lui dire, dis la ilaha illallah, une parole avec laquelle je pourrais intercéder pour toi auprès d'Allah. Et de l'autre côté, il y avait les polythéistes de la Mecque qui lui disaient, est-ce que tu vas délaisser la religion de ton père, Abd al-Muttalib? Et à la fin, donc, avant qu'il meure, il a dit quoi, Abu Talib? Il a dit, je suis sur la religion de mon père, Abd al-Muttalib. Alors que pendant toute sa vie, il a défendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il disait que Mohammed n'était pas un menteur et que ce qu'il a ramené, c'est la vérité. Donc il a su Mais le fait qu'il n'a pas prononcé al-shahada, qu'il n'a pas prononcé l'attestation de foi, et qu'il n'est pas rentré dans l'islam, yani, sa connaissance et sa certitude que la religion yani, de l'islam était la vérité ne lui a pas été bénéfique. فالإيمان اعتقاد وقل وقول وعمل. Donc la foi, c'est une croyance dans le cœur et des paroles avec la langue et des actes avec les membres. وليس الإيمان اعتقادا فقط أو اعتقاد وقول فقط دون عمل. Et la foi, ce n'est pas non plus une croyance dans le cœur ou une croyance et une parole sans que quoi, sans qu'il y ait d'acte avec. Quelqu'un qui croit à l'islam dans son cœur et qui fait le témoignage de foi mais qui ne fait aucun acte, هذا لم يدخل في الإيمان. Cette personne-là, il n'est pas rentré dans la foi. نعم. فالعمل من الإيمان. Donc les actes, ils font partie de la foi. وقد سمى الله عز وجل كثيرا من الأعمال إيمانا. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il appelait beaucoup d'actes, il les appelait, il a dit que c'était la foi. مثل قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. Et Allah n'est point tel à quoi? À vous faire perdre la récompense de votre foi. والإيمان في هذه الآية أي صلاتكم إلى بيت المقدس. C'est-à-dire la foi qui est citée dans ce verset, c'est quoi? C'est la prière lorsque quoi? Lorsque les compagnons au début de l'islam priaient en direction de quoi? En direction de Jérusalem. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il a appelé la foi iman. وما كان الله ليضيع إيمانكم. Allah n'est point tel à vous faire perdre le bénéfice de votre foi, yani de votre salat. Donc ceci était le deuxième fondement parmi les fondements des gens de la sunna, qui est que quoi, que la foi est composée de paroles, de croyances dans le cœur et d'actes avec les membres. الأصل الثالث, le troisième fondement, أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون أحدا من المسلمين. Donc, le troisième fondement, c'est que quoi? C'est que les gens de la sunna ne déclarent pas mécréant ou apostat quiconque parmi les musulmans. إلا إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام. Sauf celui qui quoi? Qui va commettre un acte qui fait partie des actes annulant l'islam. أما ما كان من الكبائر التي هي دون الشرك والكفر فإنهم لا يحكمون على مرتكبها بالكفر. Donc, quant au grand péché, quant au grand péché qui sont en dessous de la mécréance et en dessous du polythéisme, eh bien les gens de la sunna ne déclarent pas mécréant celui qui les commet. Celui qui commet un grand péché chez les gens de la sunna ne sort pas de l'islam, il reste musulman. ولكن يحكم عليه بالفسق ونقص الإيمان. Mais on va juger que quoi? Que cette personne-là, c'est un désobéissant. Ou bien, c'est ou on dit également, c'est quelqu'un qui a une foi faible. Une foi basse. وَإِذَا لَمْ يَتُبْ مِنْهَا يَنِي مِنَ الْكَبِيرَةِ فَإِنَّهُ تَحْتَ مَشِيئَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْآخِرَةِ. Et si jamais ce musulman qui a commis un grand péché, il ne s'est pas repenti de son péché avant sa mort, eh bien il restera sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Insha'Allah ghafara lahu wa insha'Allah azabahu walakinahu la yakhludu fin nar. Donc nous disions que ce musulman qui a commis un grand péché et qui est mort sans s'en repentir, il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah le désire, si Allah le veut, Allah lui pardonnera son péché directement. Et si Allah le veut, il le châtiera, il le punira une période de temps, une durée déterminée, puis il finira au paradis. Quoi qu'il arrive, il ne restera pas éternellement en enfer. Le musulman qui a commis un grand péché et qui ne s'est pas repenti de son péché avant sa mort, soit Allah lui pardonne son péché et le rend directement au paradis, ou soit Allah le punit une durée de temps déterminée en enfer, puis il le fait rentrer au paradis. وهذا كما قال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Ça, conformément à la parole d'Allah, dans la traduction rapprochée du sens du verset, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé que ce soit, mais il pardonne en dessous de cela à qui il veut. Allah subhanahu عالم بمن يستحق الغفران ومن يستحق العذاب. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui sait qui mérite le pardon et qui mérite le châtiment. فَلَا يَلْعَبُ الْإِنسَانِ وَيَقُولْ مَا دَمَا يعني مُرْتَكِبِ الْكَبِيرَةِ لَا يَخْرُجْ مِنَ الْإِسْلَامِ وَلَا يَخْلُدُ فِي النَّارِ نعم وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ يَغْفِرُ لِي الله غفور رحيم إذن يعني لا إشكال. Donc le musulman il ne doit pas jouer et se dire, vu que quoi, celui qui commet un grand péché, il ne sort pas de l'islam et qu'il n'est pas éternellement en enfer, donc et ça et tout, c'est pas grave, et ça et tout, ça se trouve Allah il va me pardonner. Allah il est le pardonneur, Allah Ghafur Rahim. Naam. Certes, la shak, an Allah Azza wa Jal Ghafurun Rahim. Il n'y a pas de doute qu'Allah est le grand pardonneur et le très miséricordieux. Walakin, هل عملت أعمالا تستحق بها الغفران ورحمة الله عز وجل؟ Mais est-ce que toi tu as commis des actes qui te permettent de mériter le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa miséricorde؟ فالله عليم بما في القلوب. Allah il sait ce qu'il y a dans les cœurs. ومن عد مع الله عد الله معه. Et celui qui compte et qui calcule avec Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien Allah également il calcule avec lui. يقول الإنسان أنا أعمل المعصية ثم أتوب منها. La personne il se dit ouais, je vais commettre un péché puis je vais me repentir, puis je vais demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Il calcule comme ça, il fait des calculs. Celui qui calcule comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala il calcule avec lui également. وهذا الإنسان لا يدري هل يأخذ الله روحه وهو على معصية. Et cette personne-là, il ne sait pas si Allah ne va pas prendre son âme alors qu'il est en train de commettre un péché, sans qu'il n'ait eu le temps de se repentir. Donc, il ne faut pas calculer avec Allah subhanahu wa ta'ala et se dire qu'Allah il est le pardonneur et que celui qui commet un grand péché, Allah il peut lui pardonner. Certes, Allah peut lui pardonner, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait celui qui mérite d'être pardonné et celui qui ne mérite pas d'être pardonné immédiatement, mais qui mérite d'être puni une durée de temps. Et toi, comme tu ne sais pas cela, tu dois t'efforcer de rester dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce que te vienne la mort. Donc, parmi les bases et les fondements des gens de la sunna, c'est qu'ils ne rendent pas mécréant un musulman tant qu'il n'a pas commis un acte qui fait partie des actes annulant l'islam. ومذهب أهل السنة في ذلك وسط بين الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة وبين المرجئة الذين يقولون هو مؤمن كامل الإيمان. Et donc, ça montre le juste milieu des gens de la sunna, car les gens de la sunna, parmi leurs sifat, parmi leurs caractéristiques, c'est qu'ils sont dans le juste milieu. Donc dans ce chapitre de la croyance dans ce chapitre du dogme qui concerne donc le musulman qui commet un grand péché, les gens de la sunna, ils sont dans le juste milieu entre la secte des kharijites qui disent que celui, le musulman qui commet un grand péché, sort de l'islam et c'est devenu un mécréant, et entre les murjites qui disent eux quoi, que celui, le musulman qui commet un grand péché, c'est un croyant qui a une foi totale, qui a une foi complète. ويقولون هؤلاء المرجئة لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. Et les murjites, ils disent, ces gens-là qui disent que quoi, que celui qui commet un grand péché, il a une foi complète, ils disent que le péché ne nuit pas à la foi, le péché ne nuit pas à la foi, de même que quoi, que la bonne action n'est pas bénéfique pour celui qui est mécréant. C'est-à-dire, un mécréant qui commet une bonne action, ça ne lui est pas bénéfique à Allah Azza wa Jal. C'est leur parole aux murjites. Ils disent, de la même façon que le mécréant qui commet des bonnes actions, il n'a pas de récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la même façon le croyant qui commet des péchés, de l'autre côté, ils disent, de l'autre côté, donc le croyant qui commet des péchés, ce n'est pas grave, il n'est pas puni pour ses péchés. وهذا يعني فيه ما فيه من الكلام. Il y a là-dedans, une erreur. فأولا, premièrement, ليس صحيحا مطلقا أنه لا ينفع مع الكفر طاعة. Ce n'est pas totalement vrai que quoi, que les bonnes actions ne profitent pas aux mécréants. Ce n'est pas totalement vrai. Certes, ses bonnes actions ne lui permettront pas d'aller au paradis, car il est mécréant. Comme le prophète a dit, la yatrulul jannata illa nafsun mu'mina. Nul n'entre au paradis si ce n'est une âme croyante. Naam. Donc, certes, ça ne lui permettra pas d'aller au paradis, mais ça diminuera de quoi? De son châtiment en enfer. Et c'est pour cela que Abu Talib, c'est celui qui a le plus faible, le plus petit châtiment en enfer. Du fait qu'il a défendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, corps et âme. Il a défendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et toutes ces bonnes actions qu'il a faites, c'est ce qui lui a valu d'avoir le plus petit châtiment en enfer. Naam. Donc ce n'est pas totalement vrai de dire que la bonne action ne profite pas aux mécréants. Et également Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle des péchés ou des châtiments des châtiments des mécréants qui appelaient au mal, il dit que ces gens-là, ils auront un châtiment plus que quoi que les autres. Un mécréant qui appelle au mal et un mécréant qui est juste mécréant pour lui-même et il laisse les gens faire et pratiquer l'islam, celui-là, son châtiment auprès d'Allah, son travail, il est moins grand. Et donc, de cela, on comprend que donc, cette parole des murjites n'est pas vraie. Et également, les textes du Coran et de la Sunna prouvent que le fait de commettre des péchés amène ou rend la personne exposable à quoi? Au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui commet des péchés, le croyant, le musulman qui commet des péchés, il s'expose à la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et à son châtiment. Tayyib. Le quatrième fondement, min usuli ahli sunnati wal jama'a, وجوب طاعة ولاة أمور المسلمين ما لم يأمروا بمعصية. Quatrième fondement qui est quoi? Qui fait partie des fondements des gens de la Sunna. Le fait, l'obligation d'obéir aux gouverneurs musulmans tant qu'ils ne commandent pas un péché. فإذا أمروا بمعصية فلا تجوز طاعتهم فيها. يعني في المعصية وتبقى طاعتهم بالمعروف في غيرها. Et si jamais il nous ordonne, hein, le gouverneur musulman, s'il nous ordonne de commettre un péché, alors on ne l'écoute pas dans ce péché-là, mais on continue à lui obéir dans les autres choses qui ne sont pas des péchés. وَهَذَا عَمَلًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. Ceci conformément à la parole d'Allah, dans laquelle il nous dit, dans le sens rapproché, ô vous qui croyez, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. يعني et la parole du prophète dans laquelle il dit je vous recommande ou je vous exhorte à la crainte d'Allah et à l'écoute et à l'obéissance à vos gouverneurs même si c'est un esclave qui vient à vous gouverner. فليعلم الجميع أن معصية الأمير معصية الحاكم معصية للرسول صلى الله عليه وسلم. Et que tout le monde sache que la désobéissance au gouverneur musulman, celui qui désobéit à un gouverneur musulman, c'est comme s'il avait désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man yuti' al-amira faqad ata'ani. وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرِ أَوْ وَمَنْ عَصَ الْأَمِيرِ فَقَدْ عَصَانِي. Le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit celui qui obéit au gouverneur, n'am, celui qui obéit au gouverneur, il m'a certes obéi. Et celui qui désobéit au gouverneur, il m'a certes désobéi. Et c'est pour cela que les gens de la sunna, ولذلك أهل السنة يرون الصلاة خلف الأئمة. الحكام الصلاة خلف الحكام المسلمين والجهاد معهم والدعاء لهم بالصلاح والاستقامة ومناصحتهم. Et c'est pour cela donc que les gens de la sunna, parmi leurs caractéristiques, c'est quoi? C'est qu'ils voient la validité de la prière derrière les gouverneurs musulmans et qu'ils voient que quoi qu'il faut invoquer pour les gouverneurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala les améliore et qu'il les guide dans le droit chemin. Et également les gens de la sunna voient que quoi qu'il faut conseiller les gouverneurs, leur donner le bon conseil. وَيَتْبَعُ ذَلِكَ الْأَصْلُ الْخَامِسِ. Et suis cela, suis ce quatrième fondement, le cinquième fondement, qui est quoi? وَهُوَ أَنَّ أَهْلَ السُنَّةِ يَرَوْنَ تَحْرِيمَ الْخُرُوجِ عَلَى وُلَاتِ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ إِذَا ارْتَكَبُ مُخَالَفَةً دُونَ الْكُفْرِ. Le cinquième fondement, donc, qui suit donc le quatrième, qui est que quoi? Que les gens de la sunna voient l'interdiction formelle. De quoi? De se rebeller contre les gouverneurs musulmans s'ils ont commis un péché qui est quoi? Qui est en dessous de quoi? De la mécréance. Comme ceci est venu dans des hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé des gouverneurs injustes qu'il y aura après lui. Qu'il y aura des gouverneurs injustes qui prendront les biens de leur peuple et qui ne donneront pas à leur peuple leurs droits. Alors les compagnons radiallahu anhu m'ont demandé est-ce qu'on les combat, ya Rasulallah? Est-ce qu'on doit combattre donc ces gouverneurs qui vont être injustes, qui vont prendre les biens de leur peuple et qui ne vont pas leur donner leurs droits? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ne les combattez pas jusqu'à ce que vous voyez une mécréance claire sur laquelle vous avez une preuve de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le gouverneur musulman, tant qu'il n'est pas sorti de l'islam, tant que les grands savants ne l'ont pas désigné comme étant mécréant, il est interdit de se rebeller contre lui, même s'il est injuste. Tant que c'est un musulman, nous n'avons pas le droit de nous rebeller et de se soulever contre lui. فالخروج على الحكام من أعظم المنكر. Le fait de se rebeller contre les gouverneurs fait partie des plus grands actes blâmables et répréhensibles. لما يترتب عليه من مخاطر عظيمة. يعني à cause de quoi? De tout ce qui s'ensuit. Comme quoi? Comme mal. من الفوضى, le désordre, وفساد الأمر, et la perversion de la situation, et le fait qu'il n'y a plus de sécurité, et la divergence entre les musulmans, et quoi, le fait que ça donne l'occasion aux ennemis de l'islam de quoi, de prendre les pays musulmans et d'en faire ce qu'ils en veulent. وما حصل في السنوات الماضية خير دليل على هذا. Et ce qui s'est passé ces dernières années est une des plus grandes preuves de ce que Cheikh est en train de dire ici. Lorsque les musulmans se sont rebellés et se sont soulevés contre leurs gouverneurs dans leurs pays respectifs, que ce soit en Tunisie, en Libye, en Égypte, en Syrie, au Yémen, il a akhirihi, il a l'an, wal umur ghayra mustaqirra. Jusqu'à aujourd'hui, la situation n'est pas stable dans tous ces pays-là. وقد دخلت القوات الأجنبية الكافرة. Et les forces étrangères, yani des pays mécréants, sont rentrées dans toutes ces affaires. Parmi les gouverneurs, contre lesquels il y a eu des soulèvements, il y en avait qui étaient mécréants, certes. Comme le président libyen, Al-Qaddafi. Al-Qaddafi, les savants, ça fait 30 ans que les savants ont déclaré que c'était un mécréant. À cause de quoi? De certaines paroles qu'il prononçait et sur lesquelles il est resté après que quoi? Après qu'il ait été conseillé là-dessus, comme le fait de dire que quoi? Que son livre vert qu'il a écrit, sa constitution, est meilleure que le Coran. Donc, les savants, depuis une trentaine d'années, avaient déjà déclaré que Kadhafi, après l'avoir conseillé sur ça et sur d'autres choses, les savants avaient déclaré qu'il était mécréant. Mais pour autant, ils n'ont pas appelé à se rebeller contre lui. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient que ça allait amener un mal plus grand. Et c'est pour cela... Et ceci doit être bien noté dans vos esprits et dans vos cahiers pour ceux qui ont des cahiers, que quoi? Que les savants déclarent, parmi les conditions que les savants ont mis, il y a des conditions que les savants ont mis, pourquoi? Pour le soulèvement contre un gouverneur. La première des conditions, c'est que quoi? Qu'il soit mécréant. La deuxième des conditions, c'est que les musulmans aient la capacité de quoi? De l'enlever et de mettre un autre gouverneur à sa place qui sera mieux que lui. Et troisième condition, c'est qu'il ne va pas, que le fait de se rebeller ne va pas amener un mal plus grand dans le pays. Et si vous connaissez des personnes qui sont en Égypte, ils peuvent vous dire que jusqu'à présent, il y a de grands problèmes en Égypte et que les gens ne sont pas ni en sécurité. Al-Aslus-Sadis, le sixième fondement, parmi les fondements des gens de la Sunna, سلامة قلوبهم وألسنتهم من لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Qui est quoi? Qui est la pureté de leur cœur et de leur langue vis-à-vis des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bima'na annahum yuhibbuna ashab al-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa yadhkurunahum bil khair wa la yaktumuna fi qulubihim ghillan ala as-sahaba wa la yata'arraduna ila makanatihim bi alsinatihim. Donc c'est-à-dire que quoi, que les gens de la sunna aiment les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam tous sans exception et qu'ils les citent en bien et qu'ils se préservent de quoi, de cacher dans leur cœur une quoi, une rancune ou une haine envers un parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou le fait de quoi, de critiquer les compagnons avec leur langue. Tout ceci ne fait pas partie des quoi, des caractéristiques des gens de la sunna, ceux qui insultent les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou qui les détestent. Ne serait-ce un seul d'entre eux, cette personne-là est sortie de quoi, de la sunna. Cette personne-là est sortie de la sunna. فَكَيْفَ بِمَنْ يُكَفِّرُهُمْ. Alors que dire de ceux qui disent que les compagnons sont des mécréants et qu'ils ont tous apostasié après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le disent Rafida, comme le disent les Rafidites, la branche extrême du chiisme. Al-Aslu Sabi', le septième fondement parmi les fondements des gens de la sunna, mahabbatu ahli baytin nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'amour des gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme a dit le nabi sallallahu alayhi wa sallam, udhakkirukum Allah fi ahli bayti, je vous rappelle Allah dans les gens de ma famille. Yani, c'est-à-dire je vous rappelle, n'am, yani, de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, n'am, en ce qui concerne les gens de ma famille. Wa min ahli baytihi azwajuhu, et parmi les gens de sa famille, les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. والأصل في أهل البيت قرابة النبي صلى الله عليه وسلم والمراد بهم هنا الصالحون منهم. Donc يعني les gens de la famille prophétique, نعم, ce sont les proches du prophète صلى الله عليه وسلم, نعم, les proches de la famille du prophète صلى الله عليه وسلم, ou les proches du prophète صلى الله عليه وسلم, ceux qui sont pieux parmi eux. أما قرابته غير الصالحين فليس لهم الحق كعمه أبي لهب ومن شابهه. Quant aux proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ne sont pas pieux comme son oncle, n'am, Abu Lahab, ou d'autres, n'am, qui sont sortis, qui ne sont pas musulmans, eh bien eux ils n'ont pas ce droit là de quoi, de respect et d'amour. Les seuls qui ont le droit du respect et d'amour, ce sont les gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont croyants. Le huitième fondement parmi les fondements des gens de la sunna, huwa at-tasdiq bi karamat al-awliya, le fait de croire au miracle qu'Allah accorde aux gens pieux. وهي ما قد يجريه الله على أيدي بعضهم من خوارق العادات إكراما لهم كما دل على ذلك الكتاب والسنة. C'est quoi les miracles qui sont accordés aux pieux? Ce sont des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à certains de ses serviteurs parmi les choses qui sortent de l'ordinaire. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde ces choses-là, pourquoi ? Pour les honorer, yani pour leur obéissance. Comme on trouve des histoires, des miracles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à des personnes dans le Coran et dans la Sunna. Naam. ويجب أن يعلم أن من الناس في وقتنا هذا من قد ضل في موضوع الكرامات وغال فيها حتى أدخل فيها ما ليس منها من الشعوذة وأعمال السحرة والشياطين والدجالين. Donc, il faut par contre savoir que à notre époque, il y a des personnes qui ont exagéré dans le sujet des miracles accordés aux pieux. Et qui ont entré là-dedans, ils ont fait entrer là-dedans quoi, des choses qui sont faites par quoi ? Par des sorciers, et par des menteurs, et par des shayatines, des diables humains. Ils disent que ceci fait partie des miracles accordés aux pieux. Ils vont voir des sorciers, ils vont voir des voyants, et ils disent non mais lui il est bien, et si t'as il peut te prédire l'avenir. Ils disent que ça fait partie des quoi, des miracles que Allah accorde à certaines personnes, ou bien ils retrouvent un être que tu as perdu, t'as perdu de vue quelqu'un, et ils te disent on va te le retrouver. Ou bien, d'autres, qu'est-ce qu'ils font ? Ils... Tout ce qu'on appelle l'illusionnisme. Ils se rentrent une épée dans le corps, et tu ne vois pas de sang. Puis ils la retirent et il est sain, il n'a rien du tout. Des gens pensent que ça fait partie des miracles accordés aux pieux. Alors qu'en fait, c'est quoi ? C'est des gens qui travaillent avec les shayatines, qui travaillent avec les diables et avec les djinns. Donc, il y a une différence entre les miracles qui sont accordés aux saints et ces choses-là qui sont faites par des sorciers et des menteurs et des charlatans. Wal farq huwa anna karamat al awliya nam تجري على أيدي عباد الله الصالحين. La différence c'est ça, c'est que les miracles, Allah subhanahu wa ta'ala, il les accorde à ses serviteurs qui sont pieux. وأما الشعوذة فهي على يد السحرة والكفرة. Alors que quoi? Alors que toutes les superstitions et toutes les choses que certains font parmi les sorciers et parmi les mécréants, eh bien, ce ne sont pas des gens qui sont pieux. Donc de là, tu sais comment faire la différence entre un miracle qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est accordé à quelqu'un de pieux, et entre des choses qui sont faites par des gens qui travaillent avec les shayatines. Tu regardes cette personne-là. Est-ce que c'est quelqu'un qui est dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala ? S'il est dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors c'est un miracle qui vient d'Allah. Et si cette personne-là est dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien tu sais que ça ne vient pas d'Allah. Et que ça vient des shayatines. Falkarama, sababuha ta'a. Wa sha'wada, sababuha al-kufru wa al-ma'siya. Donc, le miracle. Naam. La cause du miracle, c'est quoi ? C'est l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la cause de tous les actes des charlatans, c'est quoi ? C'est la mécréance et la désobéissance. Al-aslu at-tasi' wal-akhir, le dernier fondement des gens de la sunna, c'est al-istidlal أو اتباع ما جاء في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا واتباع ما كان عليه الصحابة من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Parmi les fondements de la sunna, c'est qu'ils suivent le livre d'Allah et ils suivent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce sur quoi étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui les suivent convenablement. كما قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر الاختلاف اختلاف أمته قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. Lorsque le prophète a cité la divergence de sa communauté, il a dit alors accrochez-vous à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés. Le prophète nous dit فَإِنَّهُمْ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Celui qui vivra parmi vous verra beaucoup de divergences. كيف المخرج؟ Comment sortir de cette divergence? فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. Alors, accrochez-vous à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés. فالاجتماع للأمة الإسلامية ولا خروج من الخلاف والتفرق إلا بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين. Donc on ne peut pas sortir, on ne peut pas, la communauté ne pourra pas s'unir, la communauté musulmane ne pourra pas s'unir et ne pourra pas sortir de la divergence et de la division tant qu'elle ne reviendra pas à quoi? À la sunna du prophète et à la sunna des califes bien guidés Abu Bakr wa Omar wa Uthman wa Ali. وكذلك أهل السنة لا يقدمون كلام أحد على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. Également les gens de la sunna ne font passer la parole de personne avant la parole d'Allah et de son prophète. يعني la parole d'Allah et de son prophète passe avant la parole de toute personne. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة. Et c'est pour cela que les gens de la sunna sont appelés les gens du Coran et de la sunna. وبعد أخذهم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذون بما أجمع عليه الأمة وهذا هو الأصل الثالث الذي يعتمدونه بعد الأصلين الأولين. Également le troisième fondement, ou la troisième base sur laquelle les gens de la sunna reviennent pour les affaires religieuses après le Coran et la sunna, la troisième base qui est quoi? Qui est le consensus, ce sur quoi la umma, ce sur quoi les savants sont unanimes. Également ça constitue une référence chez les gens de la sunna. فهم لا يعتقدون العصمة لأحد. Donc les gens de la sunna ne considèrent personne infaillible à part le prophète sallallahu alayhi wa sallam. ولا يتعصبون لرأي أحد. Et ils ne s'accrochent pas aveuglément à la parole de quiconque. حتى يكون موافقا للكتاب والسنة. Jusqu'à ce qu'ils voient que la parole de cette personne est conforme au Coran et à la sunna. Donc une fois qu'ils ont vu que la parole est conforme au Coran et à la Sunna, ils s'y accrochent. Non pas parce que c'est la parole d'un tel, mais parce que c'est une parole qui est conforme au Coran et à la Sunna. وَيَعْتَقِدُونَ أَنَّ الْمُجْتَهِدَ يُخْطِئُ وَيُصِيبُ. Et les gens de la Sunna ont comme conviction que le mujtahid, le savant, qui a atteint le degré, qu'il est capable de faire des efforts d'interprétation des textes, donc les savants, les gens de la Sunna ont comme conviction que cette personne-là, ce savant-là, qui a atteint ce degré, il peut tomber dans le vrai comme il peut se tromper. نعم. فإن أصاب فله أجران، أجر على الاجتهاد وأجر على الإصابة، وإن أخطأ فله أجر واحد وهو أجره على الاجتهاد وخطأه مغفور. Donc ce savant mujtahid qui atteint le degré qu'il est capable de faire des efforts d'interprétation, si jamais il est tombé dans le vrai, dans son effort, il a deux récompenses. Une récompense pour son effort et une récompense pour avoir, yani, pour être tombé dans le vrai. Et si jamais il s'est trompé, eh bien il a une récompense. Pourquoi ? Pour son effort. Et son erreur lui est pardonnée. فهذه هي أصول أهل السنة. Donc, ces choses, ce sont les fondements des gens de la Sunna, n'am, qui sont neuf, comme nous avons cité. Le premier, qui est donc la foi, n'am, de croire aux six piliers de la foi. Le premier fondement, de croire aux six piliers de la foi. Le deuxième fondement, qui est le fait de croire que la foi est composée de paroles, d'actes et de croyances. Le troisième fondement, qui est et non, le fait de ne pas déclarer mécréant le musulman qui commet un grand péché. Le quatrième fondement, qui est le fait d'écouter et d'obéir au gouverneur musulman. Le cinquième fondement, qui est l'interdiction de quoi ? De se rebeller contre les gouverneurs musulmans. Le sixième fondement, qui est d'aimer et de citer en bien les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le septième fondement, l'amour des gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les croyants. Le huitième, la croyance au miracle des pieux. Et le neuvième fondement, qui est le fait de quoi ? De suivre le Coran et la Sunna et le consensus des musulmans, conformément à la compréhension des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثم نعم يعني بعد هذا العرض الوجيز après نعم cet exposé bref يعني il y a d'autres choses que nous pourrions dire لكن خير الكلام ما قل ودل وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بين الجماعة قيل لي أن الأسئلة يعني هنا مجال للأسئلة والأجوبة. نعم نعم. إخوة. إيه نعم. خلاص قل لهم يعني بعض الصلاة إن شاء الله على بعض الصلاة إن شاء الله تعالى نجيب على بعض الأسئلة. إن شاء الله. Je vais faire un petit peu de temps.